Les autres qu'à exploiter. Dans tous les temps, tu toujours t'es mal parlé. Tu t'es qu'elle est nous tomber, de nous marier pour nous rouler. Tout ça les autres qu'à exploiter. Dans tous les temps, toujours t'es mal parlé. Dès qu'elle est nous tomber, et nous marier pour nous rouler. Let's go. Attention les cavaliers, en avant pour la cadence.